Chapitre 16. La famille. La mère d'Ophélie était une femme naturellement enrobée, avec ses joues pleines, sa gorge de grenouille et son énorme chignon blond-roux qui lui poussait sur la tête comme un champignon. Elle portait toujours des chapeaux invraisemblables et des robes rouges aussi amples que des parasols, à croire qu'elle cherchait à occuper le plus de place possible. Ophélie eut l'impression d'être avalée tout entière dans un mélange de chair et de tissu quand sa mère la serra contre elle. « Quelle mine épouvantable! C'est quoi cette cicatrice sur ta joue? Tu as maigri? On ne te nourrit donc pas? Et quelle ingrate tu fais! Je viens de l'autre bout du monde pour toi et tu ne m'accueilles même pas à l'œil regard! 2 heures que j'attends encore sur ce quai glacial, que ma fille veuille enfin montrer le bout de son nez. Comment veux-tu que je te gronde convenablement si je suis épuisée ?»« Bonjour, maman, » expira Ophélie avec le souffle qui lui restait. À peine Ophélie eut-elle quitté son étreinte qu'elle passa de bras en bras. Son père lui murmura timidement que oui, c'était vrai, elle avait un peu maigri. Son frère Hector, pragmatique, lui demanda pourquoi il n'y avait pas de neige au pôle et pourquoi le soleil ne s'était pas encore couché depuis leur arrivée. Sa grand-mère Antoinette examina ses gants sales avec un sourcillement désapprobateur, tandis que sa grand-mère Sidonie, tout sourire, lui en offrait une paire neuve. Ses petites sœurs s'accrochèrent à son écharpe en parlant les unes par-dessus les autres. Ses oncles et ses tantes lui répétèrent chacun à tour de rôle que la cour ne l'avait absolument pas changée, un peu déçus au fond de ne pas trouver leur nièce métamorphosée en princesse de conte. Quant à ses cousins, emmitouflés dans leur manteau, ils la saluèrent à distance d'une petite grimace gênée. Ils auraient probablement préféré passer leurs vacances sur une arche tropicale. « Bonjour, ma fille !» s'exclama jovialement une dame entre deux âges. « Je suis ravie de faire ta connaissance et impatiente d'entendre le récit de tes aventures. » Nos chères mères à tous les doyennes n'ont malheureusement pas pu effectuer elles-mêmes ce long voyage, mais je suis ici en leur nom. Je suis la rapporteuse du familistère. As-tu déjà entendu parler de moi? Oh oui. Ophélie la connaissait. La rapporteuse était une personnalité plutôt impopulaire sur Anima. Elle laissait traîner ses yeux et ses oreilles dans chaque rue, chaque commerce, chaque interstice de porte. Puis elle répétait aux doyennes tout ce dont elle avait été témoin. De son côté, Ophélie rendit chaque bonjour de travers, serrant la main des femmes, embrassant les hommes, répondant aux uns à des questions posées par d'autres et mélangeant les noms de tout le monde. Retrouver sa famille après tout ce qu'elle venait de vivre lui donnait une curieuse impression de décalage. « Ma sœur chérie, tu m'as tellement manqué !» s'écria Agathe en se blottissant si fort contre Ophélie que ses cheveux lui chatouillèrent le nez. « Il ne se passe pas un jour où je ne regrette ni d'être au pôle avec toi. »« Ah bon ? Tes robes somptueuses, des bals incessants, une vie de salon, je suis née pour cette existence. S'il ne faisait pas si froid. » Ophélie se demanda ce qu'Agathe aurait dit si elle était venue au pôle en plein hiver. « Allons, allons, ma douce !» protesta gentiment Charles tout en essayant de calmer le bébé qui gigotait dans ses bras. « Tu n'es pas malheureuse avec petit Tom et moi, non ?»« Tu ne peux pas comprendre, tu te satisfais d'un rien. Employé d'une fabrique de dentelles, quel bel ambitieux tu fais !»« Directeur adjoint, ma douce, tu ne veux pas porter petit Tom, il te réclame. »« Je porte déjà un enfant !» gronda Agathe en désignant son ventre. « Où est mon parrain ?» s'inquiéta Ophélie. « Il n'est pas venu avec vous ?»« Oh là là, j'ai tellement de questions à te poser !» s'exclama Agathe sans l'écouter. « Penses-tu que cette robe fera l'affaire pour danser ? Bon, j'en ai apporté d'autres, évidemment, mais j'ai fort grossi ces dernières semaines. Pourra-t-on bientôt voir des nobles ? Sommes-nous ici, à la cour ?»« Non, ma chère enfant. Vous êtes ici, dans une station balnéaire. » C'était Bérénilde qui s'était exprimée ainsi, faisant rouler superbement ses airs alors qu'elle descendait le marchepied du train. Toute enceinte fut-elle, elle semblait aussi légère que son chariot à bagages était lourd. « Je suis honorée de faire votre connaissance, » ronronna-t-elle en adressant aux parents d'Ophélie son sourire le plus lumineux. « Je suis la tante de Thorne. Je n'ai encore vu ni votre neveu ni vos propriétés. » dit la mère d'Ophélie du bout des lèvres. Face à la blancheur évanescente de Bérénilde, elle semblait mettre un point d'honneur à être encore plus rouge et encore plus matérialiste que d'habitude. « Notre esprit de famille requiert les services de Thorne à la capitale, Madame Sophie. Votre gendre viendra bientôt vous présenter ses hommages comme il se doit. En attendant, si vous le voulez bien, permettez-moi d'être sa représentante auprès de vous. »« Ce que vous êtes belle et élégante !» s'exclama Agathe. Elle avait oublié l'existence de sa sœur dès l'instant où ses yeux s'étaient posés sur Bérénilde. « Et je vous trouve moi-même charmante, mon enfant, » répondit cette dernière en passant un doigt sur sa joue. « Votre peau est fraîche. Avez-vous donc froid ?»« Comme dans une sorbetière, madame. » « Il est déjà tard, » dit Bérénilde en consultant l'horloge de la gare. « Avez-vous tous vos bagages ? Parfait. Je veillerai à ce qu'ils soient transportés avec les miens. Venez, chers amis, allons à notre hôtel. Nous y serons mieux pour discuter. » Notre petite Ophélie ne pouvait espérer trouver au pôle une meilleure parente que vous, complimenta la rapporteuse d'une voix mielleuse. Fait-elle honneur elle-même à nos deux familles ? Bien sûr, répondit la tante Roseline à la place de Bérénilde. Ophélie, pour sa part, ne l'aurait pas crié sur les toits. Elle avait commis de nombreux impairs depuis son introduction à la cour. Cette mystérieuse mélancolie, toujours tapie au fond des yeux de Bérénilde, n'en était-elle pas un peu responsable? Tandis que les membres de sa famille se pressaient de quitter le quai dans un joyeux brouhaha général, Ophélie les regarda s'éloigner avec cette impression persistante de décalage. Où était sa place à elle? Ils ont beau babler, tous. Moi, je te trouve changé. Le cœur battant, Ophélie chercha des yeux celui qui avait prononcé ces mots. Elle le trouva derrière elle, un peu en retrait sur le quai, sa casquette vissée autour de son crâne, ses moustaches flottant au vent comme des drapeaux blancs. Sans réfléchir, Ophélie fonça tête baissée dans le gros ventre de son grand-oncle. « Bardaf, tu as failli me renverser par terre, ma fille !» J'ai cru un moment que vous n'étiez pas venue, et je suis contente de vous voir. C'était peu de le dire. Rien que de respirer l'odeur de papier ancien imprégné dans ce tricot d'archiviste, rien que d'entendre cette voix qui vibrait d'affection bourrue et de vieux patois, Ophélie sentit ses yeux piquer. Elle dut inspirer plusieurs fois contre le gros ventre pour ne pas se mettre à pleurer comme une petite fille. Il avait raison, elle était toute changée. Elle sentit l'épaisse main gantée caresser ses cheveux en broussaille. « Alors, le pôle ?» murmura le grand-oncle. « C'est aussi épouvantable que je crois. » Ophélie eut une hésitation, puis elle se rappela le conseil de Renard. « Oui, » gargouilla-t-elle avec un sourire piteux. « Épouvantable. » Elle se dégagea à regret, remit en place ses lunettes qu'elle avait tordues et sourcilla quand elle s'aperçut que les yeux de son grand-oncle exprimaient un certain embarras. « Qu'avez-vous ? » « J'ai moi-même une mauvaise nouvelle à t'annoncer, ma fille. » La gare des Sables d'Opale se situant au sommet de la muraille ferroviaire, il fallait prendre le téléphérique pour descendre vers la ville. Il y avait plusieurs nacelles par convoi, mais elles ne pouvaient pas transporter beaucoup de passagers chacune, et ce n'était pas une si mauvaise chose. Ophélie et son grand-oncle s'étaient ainsi débrouillés pour être tous les deux en tête-à-tête, dans ce petit espace en suspension au-dessus du monde. C'était au moment où la nacelle prenait son envol depuis la terrasse que la vue était le plus spectaculaire. À cette altitude, le voyageur pouvait se rendre compte que la gare des Sables d'Opale se trouvait à la jonction de deux murailles. L'une protégeait la ville de la forêt, l'autre protégeait la ville de l'abîme. Il était impossible de se rendre plus au sud de l'arche sans basculer dans le vide. La station balnéaire était à la fois un bord de mer et un bord de ciel. Accoudée à la fenêtre de la nacelle, ses cheveux lui fouettant les joues, Ophélie aurait voulu s'emplir de toutes ces sensations bien réelles dont elle avait été longtemps privée. Le vertige des grands espaces, le ululement du vent dans les câbles du téléphérique, l'air sucré-salé des sapins, des embruns et de la montagne, les couleurs tourmentées de la mer vue du ciel, et rien dans tout cela qui fût artificiel, aucune illusion, aucun trompe-l'œil. Oui, Ophélie aurait essayé de mieux les savourer, ces vérités-là, si elle n'avait pas été assaillie par de toute autre préoccupation. Je n'arrive pas à croire que mon musée ait été fermé. Elle se détourna de la mer pour revenir au grand-oncle qui la considérait gravement depuis la banquette d'en face. « Mais enfin, pourquoi ?» protesta Ophélie. « Pour cause d'inventaire, je te dis. C'est ce qui a écrit sur la pancarte de la porte depuis que tu y as quitté Anima. » « Non, je voudrais connaître la vraie raison. Les collections du musée n'ont pas changé depuis des décennies. Il est devenu tellement difficile de trouver les artefacts de l'ancien monde. » « Et qui se charge de cet inventaire, d'ailleurs ?» ajouta Ophélie avec un froncement de sourcils. « Je n'ai même pas de remplaçant. » Le grand-oncle se contenta de croiser les bras sur son gros ventre, ses yeux dorés scrutant Ophélie d'un air entendu. « Oh !» dit-elle. « Les doyennes, évidemment. » Rien que d'imaginer les aéroplanes de son musée en train de rouiller, faute d'entretien, Ophélie sentit son estomac se tordre. Ça ne leur suffisait donc pas de m'envoyer vivre aux antipodes, murmura-t-elle en prenant son front dans ses mains. Ce musée appartient à toute la famille. Les doyennes n'ont pas le droit de se l'accaparer. Pourquoi s'acharne-t-elle ainsi sur moi? Parce que tu es une sympathisante. Ophélie dévisagea son grand-oncle sans comprendre, mais cette fois, ce fut lui qui plongea son regard par la fenêtre. Le vent prenait un malin plaisir à hérisser ses cheveux, ses sourcils et ses moustaches. « Ce que je vais te dire, fille, n'est qu'une intuition personnelle. J'aimerais que tu m'écoutes, mais après ça, fais-toi ta propre opinion. En fait, ça me rassurerait presque que tu ne sois pas d'accord. »« D'accord avec quoi ?» Jamais Ophélie n'avait entendu le grand-oncle s'exprimer avec une telle gravité, et pourtant il n'était pas le genre d'homme à rire en se tapant les cuisses. Nous vivons dans une drôle d'affaire, tu sais. Un jour, le monde tourneront et le lendemain, patatras. Il se casse comme une assiette. Alors oui, nous autres, on a eu le temps de s'habituer à l'idée. Des arches pendues au vide, des esprits de famille increvables, des pouvoirs en veux-tu en voilà, ça nous paraît normal aujourd'hui. Mais au fond, nous vivons tous dans une drôle d'affaire. Le soleil de minuit traversa la nacelle par toutes les ouvertures. Sa lumière crépusculaire obligea le grand-oncle à plisser les paupières éblouies, mais il ne détourna pas la tête de la fenêtre pour autant. Ophélie s'aperçut que ce n'était pas le paysage qu'il contemplait ainsi, mais l'intérieur de lui-même. « J'étais un tout jeune archiviste quand ça m'est arrivé. T'étais ni encore née, fille, et ta mère pas davantage. Je venais juste de finir mon apprentissage, mais je connaissais déjà les fonds d'archives comme ma poche. » En ce temps-là, c'était pas agencé comme aujourd'hui. Les dossiers familiaux étaient rangés au rez-de-chaussée et la collection privée d'Artémis au premier sous-sol. Le deuxième sous-sol n'existait pas encore? Une étincelle s'alluma dans l'œil du grand-oncle. Si, c'était même mon coin préféré. Toutes les archives de l'ancien monde étaient entreposées là. Oh, c'était essentiellement de l'administration de guerre, hein? Ajouta-t-il avec un sourire triste. Sans remarquer l'expression stupéfaite d'Ophélie. Correspondances des états-majors, journaux de campagne militaire, registres de matricules et dossiers personnels d'officiers. Comme c'était écrit dans l'ancienne langue et qu'on l'enseigne de moins en moins, cette langue-là, personne ne venait jamais consulter ces fonds d'archives. Je trouvais ça tellement dommage. « Vous n'avez jamais parlé de ces archives ?» murmura Ophélie. « Que sont-elles devenues ?» Moi, j'étais jeune et bête, poursuivit le grand-oncle dont le regard était toujours plongé au-dedans. Ça me faisait rêver, tout ça. Je ne voyais pas la guerre, je voyais l'aventure humaine. J'ai entrepris de traduire chaque document, moitié avec mes notions de langue ancienne, moitié en lisant avec les mains. Des années que j'ai passé là-dessus. J'étais si fier de mes traductions, et si impatient d'avoir un peu de reconnaissance, faut dire ce qui est. Que j'ai soumis mon travail au conseil des doyennes. Je me demande encore ce que j'espérais. Une médaille, peut-être. Ophélie sentit, à la façon dont sa voix s'enrouait, qu'il était en train de toucher à une plaie qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. « Sympathisant !» articula-t-il en foudroyant le ciel des yeux. « C'est ainsi que les doyennes m'ont qualifié, et crois-moi, ça n'avait rien d'aimable. Obsession morbide pour la guerre, commémoration critiquable du passé, exemple déplorable pour la jeunesse, démarche au caractère antifamilial, et j'en passe. On m'a conseillé de me consacrer aux petits papiers de la famille. Je n'ai jamais revu aucune de mes traductions. Je suis désolée, chuchota Ophélie. Le grand-oncle tourna vers elle un regard étonné, battant des paupières, comme s'il reprenait conscience de sa présence. Oh, ça, ce n'est rien. Le plus rageant, c'est ce qui est arrivé ensuite. Quelques mois après l'incident, voilà Tipoc, un nouveau décret familial a été promulgué. À cette époque, je ne sais pas quelle épingle avait piqué les doyennes, mais elles n'arrêtaient pas de réformer ci, de réformer ça. Oh, elles avaient souvent de bonnes idées, hein, je dis pas, mais me concernant, je les sentis passer de travers. Tout document sans rapport direct avec la descendance d'Artémis ne ressortira plus de la compétence des archives familiales et devra être entreposé dans un service spécial prévu à cet effet. Récita le grand-oncle d'un seul souffle. Tout ce qui datait d'avant la déchirure, oust! Les archives du deuxième sous-sol ont donc été transférées ailleurs? Dit Ophélie. Où? Dans une ville des Grands Lacs, sauf qu'elles ne sont jamais arrivées à bon port. Le bateau qui les transportait par fleuve a souffert d'une défaillance technique. Aucun noyé, mais tous les papiers ont pris la flotte, irrémédiablement perdus pour la postérité. J'ai appris plus tard que mes travaux de traduction se trouvaient dans les caisses. Eux aussi. Ophélie ferma les yeux. Si les collections de son musée avaient été détruites dans un incendie, alors seulement elle aurait pu toucher du doigt ce que le grand-oncle avait dû ressentir à cette époque. Elle en vint à se demander si ce n'était pas à cause de cette histoire qu'il était devenu si grincheux. « Une défaillance technique ?» répéta-t-elle pensivement. « Vous n'y avez pas cru ?»« Eh bien si, figure-toi » marmonna le grand-oncle en s'inclinant en avant, coude sur les genoux et doigts croisés. Les doyennes, ça a beau être col à monter, ça reste du sacré. Pour moi, c'était la faute à pas de chance. Les années ont filé, j'ai essayé d'oublier ce beau gâchis. Jusqu'à ce que je louche sur la pancarte de ton musée, fermée pour cause d'inventaire. Quand j'ai lu ça, c'est comme s'il y avait eu écrit « fermé pour cause de sympathisance ». Les doyennes se sont débarrassées de toi à cause de ton goût prononcé pour l'ancien monde, fille. Tu lisais un peu trop bien ce passé qu'elles n'approuvent pas. Enfin, c'est mon intuition personnelle. S'empressa-t-il de préciser. Je n'ai évidemment rien dit de tout ça à ta mère, qui s'inquiète déjà pour des clous. Mais j'en mettrai mes mains de liseur au feu. T'en penses quoi, toi? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ophélie promena son regard sur les sables d'opale. La côte était un imbroglio de rochers et d'herbes rases, un sol sauvage où il ne fallait pas se promener sans de bons souliers aux pieds. Tout au long de cette rugosité, les petites maisons se pressaient les unes contre les autres pour faire front uni face aux assauts du vent, du froid et de l'humidité. Elles étaient à l'image des passagers du train, ces maisons-là, robustes, soudées et hautes en couleurs. Et puis, il y avait la mer, dont la cabine de téléphérique était maintenant toute proche. Une mer véritable, odorante et grondeuse comme un être vivant. « Tu n'as pas perdu tes mauvaises habitudes, » soupira le grand-oncle en voyant Ophélie ronger les coutures de ses gants. « Ne les abîme pas, ce sont des instruments de travail. » Ophélie se sentait déboussolée. Elle éprouvait tant de rancœur contre les doyennes depuis qu'elles avaient arrangé ses fiançailles forcées avec Thorne que son jugement était altéré. Alors qu'elle réfléchissait furieusement, ses lunettes passèrent par toutes les couleurs de ses états d'âme. « Bien sûr, tout cela est troublant, » finit-elle par admettre. « Mais ça n'a pas de sens. On ne punit pas quelqu'un sous prétexte qu'il a des sympathies pour l'ancien monde. La déchirure s'est produite il y a des siècles. Qu'est-ce que des vieilles dames auraient à redouter d'un passé aussi lointain ? Tu es déjà allée à la bibliothèque, fille ? Une ou deux fois. Ophélie n'en était pas très fière. Ses parents, ses oncles et ses tantes travaillaient tous à la grande bibliothèque familiale d'Anima, au service de restauration et de catalographie, mais pour sa part, elle avait toujours été plus attirée par les histoires contenues dans les objets. Elle faisait une piètre lectrice pour une liseuse. « Eh bien moi, » grommela le grand-oncle, « j'y ai beaucoup fureté ces derniers temps. Collection éducative, romans moraux, que de la littérature bien pensante. Jamais une scène de crime, jamais un gros mot, jamais une illustration polissonne. Et je ne te parle pas seulement des éditions du père Albert qui publient les scribouillères les plus rasoirs d'Anima. Non, moi, je te cause aussi des traductions du vieux monde, des poèmes, des essais, des mémoires, des pièces de théâtre. Allez lire ces bouquins-là. On croirait que nos ancêtres d'avant la déchirure ne se souciaient que de lyrisme pastoral et d'affaires de cœur. » L'écharpe donna une bourrade impatiente à la main d'Ophélie qui avait cessé de la caresser depuis un moment. « Vous pensez qu'à mes parents, que les bibliothécaires... » Ophélie n'arrivait pas à le dire. Ces derniers mois, elle s'était raccrochée de toutes ses forces aux valeurs transmises par son éducation, la sincérité, l'honnêteté et l'amour du travail bien fait. S'il y avait des censeurs dans la famille, elle le vivrait comme une trahison. « Oh, tu sais, tes petits-parents, ils sont comme les autres, » soupira le grand-oncle. Ils se contentent de rafistoler ce qu'on leur demande de rafistoler, de classifier ce qu'on leur demande de classifier, point final. Non, fille, cherche plus haut. Tous les livres qui sont déposés à la bibliothèque, ils passent d'abord par un comité d'approbation. Et qui dirige le comité ? Les doyennes. Tu commences à comprendre pourquoi je gamberge autant ? Tous les livres, répéta lentement Ophélie. Par hasard, les doyennes vous ont-elles déjà fait des mises en garde ou des recommandations à propos du livre ? Celui avec la majuscule ? Le livre de la collection privée d'Artémis ? S'étonna le grand-oncle. Rien de particulier, non. De toute façon, il est indéchiffrable et illisible, celui-là. Et Artémis ? Insista-t-elle. Vous a-t-elle jamais demandé à vous ou à un autre de mener une enquête sur ce livre ? Jamais, pour ce que j'en sais. Mais elle a toujours accordé plus d'importance au vaste univers des étoiles qu'à mon petit monde de papier. Ophélie ouvrit puis referma la bouche. Elle n'aurait su expliquer pourquoi, tant s'était échevelée, mais pendant une fraction de seconde, elle avait eu l'intuition qu'entre la fermeture de son musée, le livre de Farouk et l'accident des archives, les manigances de bibliothèque et les récentes disparitions de nobles, il existait un seul et même dénominateur commun. « C'est complètement absurde !» se reprit-elle aussitôt en frottant ses yeux sous ses lunettes. « Les doyennes ne sont pas responsables des meurtres du couloir du pôle. Et Farouk se soucie de mon musée sur Anima comme de sa première fourrure. » Parce qu'au pôle aussi, il se trame de drôles de choses, finit-elle par répondre à son grand-oncle. Et que ça m'en mêle toutes mes pensées. Ophélie regarda leur hôtel grandir à mesure que le téléphérique approchait de sa destination. Dressé sur une avancée de rochers, il était relié par un long promenoir à un établissement thermal. L'ensemble tenait davantage de l'usine que du domaine de plaisance avec ses grands murs de briques et ses hautes cheminées qui crachaient des flots de fumée. Ophélie avait redouté que la station balnéaire des Sables d'Opale fût une pâle imitation du cinquième étage de la cour. Elle savait à présent qu'il n'y avait aucune comparaison possible. Ici, parmi ces gens, il ne lui faudrait pas sans cesse faire attention à ou semblant d'eux, et c'était un véritable soulagement. « Je crois que je vais mettre à profit ces vacances au bord de la mer pour me clarifier la tête. » conclut-elle tout haut.